Quand dessine mon clan, je parle pas du rouge, je serai pas la victime. Le blanc noir cimérant, auteur de plusieurs crimes, des siècles d'esclavage, de rage, de violence, de haine. Pour m'éduquer, enculé, et toi tu regardes Racine à la télé, alors t'es qui pour me juger? Quand ton fils est un travelot, quand ta fille court dans la rue pour sa dose accro à l'héros. Je suis négro et fier même quand tu ris dans tes bureaux. Alors hisse bien haut ton putain de drapeau de facho. C'est peut-être celui de la saleté, un pays d'enfants gâtés, mentalité ratée, avec Marianne qui représente les ânes pâtés. Comment je peux aimer celui qui me déteste, me vexe, me poursuit pour la couleur de ma peau, mon sexe? Quoi t'as un complexe, pour elle t'occupe, j'utilise plusieurs latex. Je la kill tranquille, ne fais pas de bile, le contact est facile, parce qu'elle veut goûter à la différence. C'est pas ma faute si elle y trouve son compte et me colle. Maintenant t'es choqué, cette fois je joue le sale rôle. Comme vous, quand vous plaisantez, on rigole, hein? Bande de folles. Est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Mais quand Jean-Marie le dit à part ceci, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Nous quand Jacques parle de l'odeur, et est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Mais quand Jean-Marie le dit à part ceci, est-ce que ça tient ce que je te dis? Jacques parle de l'odeur et du bruit. Se taire, faut que ça cesse. Mais est-ce la peur du noir qui stresse? Pousse le Cefran à voter SS. On peut se taire, faut que ça cesse. Mais est-ce la peur du noir qui stresse? Pousse le Cefran à voter SS. Le journaliste, son hobby, c'est de parler de fléau. C'est pour ça que la phobie, faites-vous des xénophobies. Nombre d'entre vous sont atteints de négrophobie. Aimerait m'appeler Toby. Et puis, ce qui se passe, c'est que le mal a pris place dans la société. Son but, c'est qu'on se casse et laisse la place au petit André. Du coup, on nous close de peur qu'un jour on ose, on nous impose des CRPR, des mercenaires, que ça n'explose. Mais la révolution risque d'exploser là où on ne l'attend pas, là où les gens sont organisés, ont des avocats, assez de mailles pour arroser les fonctionnaires de l'État et faire taire ceux qui, comme moi, élèveraient un peu trop la voix. On risque d'être pris au dépourvu si on ne prend pas le dessus. Sa force, c'est qu'on laisse faire, donc il marche dessus. Faut rien attendre de l'État, car tu sais bien que l'État pense tout bas ce que lui crie à haute voix. Est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Mais quand Jean-Marie le dit à part, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Nous quand Jacques parle de l'odeur, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Mais quand Jean-Marie le dit à part, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Nous quand Jacques parle de l'odeur et du bruit. 8 heures, le cap tout se lève et ne se lave pas. Plaque de gel sur ses cheveux gras, prêt pour Vaitra. Dissimule son odeur nauséabonde et s'inonde de parfums bon marché pour bluffer le monde. Sans été comme hiver de la neige sur les épaules, les pellicules, pilules s'accumulent, du coup le blanc frôle. La peste et le choléra, cet enfant de Satan verra le prix de sa déchéance hygiénique quand Dieu se vengera. Les propos sous-jacents de tous les effrants, comme quoi les nègres apportent avec eux les fléaux puissants, sont une façon classique d'accuser pour ne pas se faire accuser. Je ne pense pas abuser quand je dis qu'ils ont bien rusé. Ils peuvent tuer des contrées reculées d'Afrique. Avec une simple grippe, leur virus s'agrippe aux tripes. Des autochtones qui ne connaissent pas d'histoire de santé et périssent victimes de l'art biologique dont le blanc est doté. En vérité, mes frères, les ténèbres ont la peau claire. La pureté est sombre comme la peau de mon père. La solution, c'est de rester noir et dans sa galère. Pas se mélanger au blanc pour éviter les limbes de l'enfer. Tu me parais choqué, je voulais juste me mettre dans la peau de Le Pen pour soliloquer. Maintenant, imagine qu'un jour les noirs viennent de cette façon rétorquée. Où va-t-on? Pose-toi la question plutôt que de te moquer. Est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Mais quand Jean-Marie le dit à pas, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Nous quand Jacques parle de l'odeur, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Mais quand Jean-Marie le dit à pas, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Nous quand Jacques parle de l'odeur, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Jean-Marie le dit à part ceci, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Nous quand Jacques parle de l'odeur, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Mais quand Jean-Marie le dit à part ceci, est-ce que ça tient ce que je te dis? Oui. Nous quand Jacques parle de l'odeur et du bruit.